Maman, on se voit pas trop, mais mon cœur est tout près de toi. Le dumb, si tu m'as trahi, ça n'arrivera jamais deux fois. Il m'arrive toujours des couilles, mais bon, malgré tout, je garde la foi. Personne n'est à ma place, donc personne n'a dû faire mes choix. J'ai fait des choix, et j'en déçois des fois, les gens ne me comprennent pas. Maman m'a dit, mon fils, fais ta vie, laisse-les parler. Je revois mon papa, ça y est, mon cœur est réparé. Ça me fait du mal, ça me souhaite la mort à ce qui paraît. Il me revient beaucoup de souvenirs sur le jarret. Mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon. Dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon. Comment faire, comment faire, quand c'est ton pote qu'on enterre ou qu'on enferme. Et ça me rend nerve quand ça parle guerre. C'est le monde à l'envers, plein toi dix ans frère. Pas bonjour aux traîtres, n'ont qu'on merde derrière les fenêtres. Confiance qu'en celle qui m'a fait naître. Et les autres qu'ils aillent se faire mettre. Cassé, mon cœur est cassé. Le bonheur ça fait du bien, mais je le croise pas assez. Passé au passé. Dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon. Dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon, dites bonne yo mauvais garçon. Mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon.